décide bien qu'il veut plus redescendre de côté où j'en bats la mer. On n'est pas des sociétés, on est juste un peu.